Vous suivez toujours la radio Isanganiro. Bienvenue dans ce journal à langue française dont voici les principaux titres. L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques plaide pour l'indemnisation des commerçants de l'ancien marché central de Bujumbura qui plairent encore leurs marchandises parties en fumée le 27 janvier 2013. Dans ce journal, Mireille Kanyangé nous fera découvrir la situation actuelle de cette place qui abritait ce marché. Et la population carcérale a sensiblement augmenté dans la prison de Bururi, alors que sa capacité d'accueil ne dépassait pas 250 personnes. Actuellement, elle abrite plus de 400 détenus. Dans ce journal, on aura la lecture de l'avocat conseil Maître Fabien Segatois sur les stratégies de désengorgement des prisons au Burundi. Et les prix des denrées alimentaires connaissent actuellement une augmentation dans différents marchés à mairie de Bujumbura. Les clients et les commerçants demandent au gouvernement de réguler ses prix. Et une personne est morte et quatre autres blessés foudroyés suite aux pluies torrentielles qui se sont abattues ce jeudi soir sur certaines collines de la commune Mugina dans la province Cibitoke. Tout de suite, le développement des titres. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. 27 janvier 2013, 27 janvier 2024, 11 ans après l'incendie qui a ravagé l'ancien marché central de Bujumbura. Des citadins se disent inquiets de pouvoir par toute cette période après que l'État burundais avait annoncé la construction du mall dans cette même place. Ces citadins estiment que ce marché qui était important pour le pays n'a pas été mis parmi les priorités. Les décombres restent toujours là, comme l'a constaté Mireille Kanyang. C'était dans la matinée du dimanche 27 janvier 2013. Les citadins se sont réveillés, constatant une grande fumée provenant de cet ancien marché central. Le propriétaire à deux stands était dans la désolation totale. 11 ans après, les décombres sont toujours là. Seules des espèces d'arbres ont poussé à l'intérieur. On constate de part et d'autre des quatre côtés de cet ancien joyau qui faisait la fierté des citadins. Du côté du parking des bus menant vers le nord de la capitale, économique se trouvait l'entrée principale près de la Sogemac où l'on voit aujourd'hui des tôles trouées, des déchets de toutes sortes à l'intérieur. Du côté de la société Onatel, d'anciennes échoppes servent d'abri pour les passants. Du côté du parking sud, la situation est similaire. De l'autre côté où l'on vendait du frétin, l'on voit des buvettes et l'on sent une odeur suffocante provenant de ces décombres. Certains des citadins estiment que le gouvernement a mis cet ancien marché central aux oubliettes, vu que d'autres marchés ont été reconstruits. En manque de volonté, disent-ils, explique cette inaction 11 ans après. L'ancien marché central de Bujumbura a été construit en 1994. Il comptait plus de 7000 commerçants et était construit sur une superficie de 3 hectares. Mireille Kanyang est sur ce dans une conférence de presse ce mercredi. Le porte-parole de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, Olicom, a plaidé pour l'indemnisation des commerçants qui ont vu leurs marchandises partir en fumée. Jean Douiman demande également au ministère des Infrastructures qui a récemment annoncé que les travaux de reconstruction du dit marché sont dans la main des hommes d'affaires de donner plus de des éclaircissements. Le point avec Evariste Nzikobanyanga qui a suivi avec intérêt cette conférence de presse. Au cours de cette conférence de presse, le porte-parole de l'Olicom trouve que ceux qui ont perdu leurs marchandises dans l'ancien marché central de Bujumbura devraient être indemnisés, même s'ils n'avaient pas fait assurer ces marchandises. Jean Douimana explique que le gouvernement a les prérogatives de les indemniser après les clarifications données par les instances judiciaires sur le mobile de l'incendie. L'Olicom a lancé depuis maintes reprises des appels vibrants au gouvernement de procéder à rechercher les criminels, à refaire le camp des catastrophes qui est arrivée au marché central de Bujumbura, de refaire son camp devant des instances habilitées afin de dégager la lumière, mais aussi afin de responsabiliser le camp pour pouvoir procéder à l'indemnisation des anciens commerçants qui ont perdu leurs marchandises. L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques dit être choqué de voir ce marché pas encore reconstruit après 11 ans qu'il ait été ravagé par l'incendie. Le porte-parole de l'Olicom demande cependant au ministre en charge des infrastructures d'éclairer l'opinion après son annonce que les travaux sont pour le moment dans les mains des hommes d'affaires. Le ministre promet que le marché central va être réhabilité par des hommes d'affaires. Mais ce que l'Olicom demande au gouvernement qui le présente, c'est la planification parce que l'Olicom a déjà entendu plusieurs fois des promesses de la part du gouvernement. L'Olicom demande à son ministre de procéder à montrer la planification pour pouvoir réhabiliter son marché, à pouvoir montrer les faux, les noms même de ces hommes d'affaires, afin que la lumière soit connue. De propos, nous en avons déjà entendu il y a longtemps. L'Olicom précise que les travaux de reconstruction de l'ancien marché central de Bujumbura avaient été attribués en premier lieu à l'association Toyota, mais sans succès. En deuxième lieu, à l'entreprise Sino-Afrique, là aussi sans succès. Et en troisième lieu, à l'association des banques œuvrant sur le territoire national. Comme annoncé par le gouvernement, les travaux devraient commencer en 2023 pour prendre fin en 2026, mais rien n'a été fait jusque-là. Évariste Nziko Wanyang, et entre-temps, la commission en charge de dresser les listes des commerçants opérant dans les marchés nouvellement réhabilités en mairie de Bujumbura sommet les commerçants n'ayant pas de fiches à remettre s'estendent aux commerçants détenteurs de fiches et qui ont fait objet de recensement. Dans un communiqué de ce mercredi 24 janvier, Nibigira Bahizichar, le président de la commission et chef de cabinet du maire de la ville de Bujumbura, a fait savoir que tous les locataires des stands devront savoir que si une échoppe n'est pas exploitée, qu'elle revient dans les mains de la mairie de Bujumbura au 31 janvier 2024, même si le locataire peut s'acquitter de tous les paiements. Et les prix des denrées alimentaires continuent à grimper dans différents marchés à mairie de Bujumbura, comme au marché d'Ikotebu en zone Ngagara. Le prix du riz, communément appelé Umurundi, a passé de 3 800 à 4 000 francs burundais. Et les clients s'inquiètent de cette hausse des prix des produits de première nécessité. Et les commerçants indiquent que plusieurs facteurs sont à l'origine, dont la quantité insuffisante des produits. Mais tout demande au gouvernement de réguler ces prix. Le point avec Ornella Mouch. Arrivé au marché d'Ikotebu, c'est en zone Ngagara, au nord de la ville de Bujumbura, on constate que les consommateurs n'achètent pas aisément les produits alimentaires suite au prix qui ne cesse d'augmenter. Le riz tanzanien première qualité, qui s'achetait à 6 500 francs burundais le kilogramme il y a deux semaines, s'achète aujourd'hui à 7 000 francs burundais. Cette hausse s'observe aussi sur le prix d'un kilogramme de la viande qui est passé de 16 000 à 18 000 depuis les fêtes de fin d'année 2023. Le prix de petits poissons communément appelés ndagala est passé de 40 000 à 68 000 par kilogramme. Les consommateurs disent être dans le désarroi suite à cette hausse des prix. Les prix des denrées alimentaires augmentent au jour le jour. Par exemple, le riz était à 2 600 par kilo, puis à 4 000 jusqu'à 6 500. La vie est devenue trop chère car avec 20 000 francs, il est impossible de faire nourrir la famille. Les prix ne cessent d'augmenter. Par conséquent, le montant prévu avant d'aller au marché devient toujours insuffisant. Et cela nous crée des problèmes. Un des commerçants évoque que l'une des raisons est qu'il n'y a pas assez d'offres pour satisfaire la demande. Les facteurs sont multiples. Par exemple, il peut s'agir d'une mauvaise récolte. Autre chose, suite à la cherté de la vie, cela s'applique aussi sur la hausse des prix des produits phytosanitaires et cela se répercute sur la hausse des prix des cultures. Tous demandent au gouvernement de réguler les prix à partir des producteurs jusqu'aux vendeurs. On demande de diminuer les prix tout en se basant sur les conditions de vie de la population burundaise. il faut que les produits alimentaires soient d'abord disponibles en quantité suffisante et puis réajuster les prix. Que les responsables dans le domaine de l'agriculture et du commerce prennent en main ce problème pour pouvoir l'identifier afin de trouver les stratégies de réguler les prix. Toutefois, les prix de certains produits alimentaires, comme les pommes de terre et haricots, ont baissé des montants variant entre 200 à 500 francs burundais. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Poursuivons cette édition avec cette page justice. L'effectif des détenus a sensiblement augmenté dans la prison de Bururi. Cette maison de détention compte aujourd'hui plus de 400 détenus alors que sa capacité d'accueil ne devrait pas dépasser 250 personnes. La lenteur dans le traitement des dossiers est parmi les causes de l'augmentation de cette population carcérale, selon les défenseurs des droits humains à Bururi. Tous plaident pour son désengorgement en procédant surtout à la libération des détenus ayant pigé un quart de leur peine. Le point avec Zeno Nzamimana depuis Bururi. Dans cette prison de Bururi, les prévenus sont au nombre de 315, dont 290 hommes et 25 femmes, alors que les condamnés sont au nombre de 159 détenus, dont 55 hommes et 14 femmes, ce qui fait le total de 474 détenus et 2 nourrissons dans cette prison, alors que sa capacité d'accueil ne devait pas dépasser 250 personnes. Aujourd'hui, le taux d'occupation est de 189,6%, selon le défenseur des droits de l'homme qui effectue des visites dans cette maison de détention. La lenteur dans le traitement des dossiers, l'emprisonnement illégal sont parmi les causes de l'augmentation des effectifs dans cette prison, selon les mêmes sources. Ces défenseurs des droits de l'homme plaident pour le désengorgement de cette prison en traitant les dossiers dans les délais et surtout en procédant à la libération conditionnelle des prisonniers ayant purgé un quart de leur peine. Selon ces défenseurs des droits de l'homme à Bururi, il faut que la liberté soit réellement une règle et la détention une exception. Depuis Bururi, Zeno Nzambimana pour la radio Isanganiro. Merci Zeno Nzambimana. Et certains détenus condamnés à une contrainte par corps pour dette civile et qui ne sont pas considérés lors de la mise en application de la grâce présidentielle, c'est l'une des causes de la surpopulation carcérale. C'est du moins la lecture faite par l'avocat conseil Maître Fabien Segatois au moment où le chef de l'État burundais parle du désengorgement des prisons par la grâce présidentielle. Maître Fabien Segatois recommande au ministère de la Justice d'agir rapidement suivant les directives données par le président de la République. Suivez. Une fois qu'il a donné les directives, les responsables qui doivent maintenant se mettre à l'œuvre pour voir effectivement les gens qui sont en mesure de bénéficier de la grâce présidentielle. Maintenant, les gens sont à l'œuvre dans toutes les prisons, dans les parquets, partout. Ils sont aujourd'hui en tout cas à l'œuvre pour déterminer justement les gens qui pourront bénéficier de la grâce présidentielle. Évidemment, il est vrai qu'à cette occasion, ils peuvent voir qu'il y a des gens qui sont emprisonnés irrégulièrement et en ce moment-là, ils demandent leur libération. Les gens devraient comprendre que si la loi n'est pas respectée, il y aura toujours une surpopulation carcérale. Maintenant, les gens sont reprochés d'avoir volé ou détourné des millions. À supposer que quelqu'un ait poursuivi pour avoir détourné 100 millions et que le juge le condamne à la prison par contrainte et par corps, par tranche de 6 mois pour 100 000. Donc vous allez avoir des gens qui seront condamnés à 50 ans, à 100 ans, à 200 ans, à 500 ans de contrainte par corps. Donc ceux-là n'espéreront jamais quitter la prison. Maintenant, ces gens-là sont tous emprisonnés pour des dettes civiles. Il faudrait maintenant aussi songer à ceux-là et essayer quand même de trouver une solution pour que ces gens-là soient libérés. Soit on vend ce qu'ils possèdent et on se paye, soit on constate qu'ils sont indigents, parce que la loi dit que lorsqu'on est indigent, on ne peut pas accomplir une contrainte par corps. C'était Maître Fabien Segatois, avocat conseiller. Plus de 400 enfants ont été enregistrés à l'état civil de la commune Ruhorora en province Ngozi à moins de 2 semaines. C'est après le délai de 2 semaines donné par le gouverneur de cette province pour l'enregistrement de tous les retardataires sans payer d'amende. L'administrateur communal de Ruhorora, Mamer Tebirukundi, demande que ce délai soit revu pour vivre que les parents font toujours la queue devant les bureaux de cette commune. Le point avec Apollinaire Muzagara de Ngozi. Les parents qui n'ont pas fait enregistrer leurs enfants au service d'état civil en Ngozi avaient reçu une dérogation spéciale pour le faire à partir du 15 jusqu'au 26 janvier cette année. Le gouverneur Désiré Minani avait fait une exemption de 15 000 francs d'amende administrative exigée à tout retardataire durant cette période d'environ 2 semaines. Et dès lors, pas mal de parents affluent vers leurs bureaux communaux pour répondre à cet appel de peur d'être sanctionnés conformément à la loi après Sodel jusqu'à ce jeudi à 15h, 463 enfants étaient déjà inscrits en commune Ruhororo de la province Ngozi, mais des files d'attente se font toujours voir devant le bureau communal. L'administrateur de la commune Ruhororo salue le matériel composé de registres et stylos envoyés par l'administration provinciale pour cette Ma mère Tebirukundi demande néanmoins la prolongation de ce délai pour que tous ses enfants soient enregistrés. Ngozi, Apollinaire Muzagara, Radio Sanganir. Merci Apollinaire Muzagara. Et pour clore cette édition, une personne est morte, 4 autres blessées, 5 chèvres foudroyées suite aux fortes pluies diluviennes qui se sont abattues jeudi soir sur les collines Kaguruti et Rubona de la commune Mugina de la province Chibitoke. Samuel Kubgimana, le chef de zone Rubona, déplore encore plusieurs hectares de champs de maïs, de haricots, de manioc et de bananeraies endommagés à la veille de la récolte. Cet administratif demande aux âmes charitables de venir en aide aux populations sinistrées en termes de vivres et de matériel de couchage et à défaut de ça, il prédit une situation de disette dans cet endroit. Point final à cette édition en langue française. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle que ce samedi, ça sera 11 ans après l'incendie qui a ravagé l'ancien marché central de Bujumbura et l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques plaide pour l'indemnisation des commerçants de cet ancien marché central de Bujumbura. Et la population carcérale a sensiblement augmenté dans la province de Bururi, alors que sa capacité d'accueil ne dépassait pas 250 personnes. Aujourd'hui, elle abrite plus de 400 détenus. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à la parfaite collaboration technique d'Alphonse Kubgimana. À la présentation, vous étiez avec Placide Niomungere. Au revoir.